sorcière malade traverse le marécage avec son balai brisé à la main. Les petits oiseaux sauvages lui servent de petits pages et la conduisent là-bas vers le ruisseau. Comme toi, dans sa main, elle conserve son chagrin qui fleurit comme un chardon de blé noir. Un braconnier rapporte de petites bêtes mortes qui ressemblent à mon amour. Du plomb dans mes ailes, dans mes flancs et la cervelle. Leur sang frais cache la nuit, toute la nuit. Comme toi, loin de moi, elles ont désormais trop froid. Elles ont désormais trop froid pour sourire, la petite sorcière est morte, on a cloué sur sa porte quatre grands papillons bleus et muets. Le même deuil sur ta porte, comme le courant m'emporte vers de grands sables mouvants, trop mouvants. Et pour toi, dans ma vie, jaillissent des feux follets. Jaillissent des feux follets dans mes nuits, dans ma vie.